Bonjour et bienvenue à tous dans l'émission Les Oreilles du Monde sur Radio Gamozo. Vous êtes en direct aujourd'hui dans l'émission proposée par Les Mondes de l'Utopie. Chaque mois, retrouvez-nous pour une session d'1h30 autour des musiques du monde où on vous partage aussi nos coups de cœur, l'avancée des projets de l'association Les Mondes de l'Utopie à Rochesson, ainsi que les événements locaux autour des musiques du monde. Aujourd'hui, on va vous parler dans cette émission qui est un peu spéciale puisque en fait on a décidé de faire une émission autour du maloya. Donc le maloya, c'est un style de musique qui nous vient de la Réunion. Donc moi j'y reviendrai plus tard à expliquer exactement d'où ça vient, les origines, les instruments utilisés et les artistes qui sont quand même assez connus maintenant. Et donc, en première partie, on va donc faire un petit résumé. Flo va nous faire un résumé de ce qui s'est passé au rêve de l'aborigène au mois de juillet dernier. Ensuite, on va avoir une petite playlist. Et puis après ça, on va pouvoir interviewer Marie, qui fait partie du groupe Saodage, qu'on avait déjà eu l'occasion de passer dans les émissions précédentes. Et donc, elle va nous expliquer un petit peu le pourquoi du comment de son groupe. Qu'est-ce qu'elle a pensé du rêve aussi, puisque ils ont participé aussi cette année. Et après ça, donc, on va faire une petite playlist de leurs nouvelles morceaux. Et puis, en troisième partie, moi, je vais vous faire découvrir qu'est-ce que c'est le maloya. Et puis ensuite, ce sera playlist. On finira après par la petite promotion des événements qu'on peut trouver dans les coins, là, au mois d'août, dans les Vosges. Pas mal musique du monde, d'ailleurs. Et ensuite, voilà, un petit résumé de qu'est-ce qui se passe pour notre asso à nous. Voilà. Super, Camille, merci. Donc, on est bien en direct sur Radio Gamozo, dans l'émission Les Oreilles du Monde, proposée par Les Mondes de l'Utopie. Donc, je vais revenir un peu sur le rêve de l'aborigène que je vous avais parlé dans l'émission précédente, que vous pouvez retrouver en podcast sur notre Facebook ou sur le site de Radio Gamozo. Donc voilà, le rêve de l'aborigène, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est un festival autour du didgeridoo, de la guimbarde et du chant diphonique à Poitiers, où je suis organisateur depuis 7 ans. Et donc, ça avait lieu le troisième week-end de juillet. Et cette année, on a accueilli 6800 passes 3 jours. Donc, c'est un grand succès encore cette année et on a énormément de demandes. En fait, on a décidé de mettre le festival à guichet fermé pour garder une authenticité dans le respect de la nature et de l'humain. Donc 3 jours de folie avec pas moins de 17 groupes de musique programmés, un tremplin musical pour promouvoir un artiste amateur qui jouera l'année prochaine sur la grande scène. Donc voilà, moi j'étais programmateur cette année là-bas et j'ai aussi été jury du tremplin. Donc le tremplin, il a été remporté par Mo, un multi-instrumentiste, guimbarde, didgeridoo, hang et des tchak-tchak, des checkers. Donc voilà, on a pu découvrir de la musique de Mongolie, des Australiens qui étaient là. Donc il y a eu des cérémonies aborigènes qui ont été faites. On a eu aussi la chance d'avoir cette année des Amérindiens. Et du coup, le samedi après-midi, il y avait une cérémonie amérindienne qui s'est super bien déroulée. Tout le monde a dansé, a participé. C'était 3 jours d'atelier et de stand aussi. On accueille 150 standiers sur le site du festival, des facteurs de didgeridoo, mais aussi de guimbarde et d'autres instruments. Donc, c'était vraiment super. Tu veux nous dire un petit mot, Camille, sur le rêve de l'aborigène ? Eh bien, écoute, moi, ça va être juste un mot très vite fait, parce que j'y ai participé qu'une seule année en tant que spectateur. Donc, c'est vrai que c'est un univers assez différent de ce qu'on peut rencontrer d'habitude en festival. Hein. L'ambiance est bien plus sereine, les gens, ils sont attentifs à ce qui se passe autour d'eux. C'est sûr que ça change un peu, mais ouais, c'est un festival super intéressant, assez... assez ouvert, du coup voilà, il y a de quoi s'occuper, il y a les stands, il y a la nourriture, il y a tous les concerts, le site en lui-même il est juste magnifique, donc voilà, c'est en tout cas une expérience à faire. Et c'est aussi une organisation grandiose puisqu'on est 70 organisateurs, pour gérer cet événement. Et on n'est pas moins de 30-40 personnes à bosser à l'année, et des responsables de pôle, je vous dis 70 à peu près. Donc c'est vraiment une grosse organisation pour accueillir tout ce monde-là. On compte à peu près entre 8000 et 10000 personnes sur le site cette année. Donc c'est très conséquent, et au niveau logistique, c'est pas toujours facile à gérer, surtout quand on essaye d'être dans l'écologie. On utilise des toilettes sèches, donc c'est énormément de déchets à retraiter après. Donc c'est tout un cycle avec des paysans qui récupèrent les déchets des toilettes sèches et qui les compostent d'année en année et qui les remettent dans leur champ. Donc c'est vraiment un retour à la terre impressionnant. C'est super comme aventure à vivre. N'hésitez pas à venir le troisième week-end de juillet au Rêve de l'Aborigène à Hervaux, près de Poitiers. Bon, c'est vrai, c'est loin des Vosges, c'est 800 km, mais ça, c'est faisable. Bon, quand on aime, on compte pas. Hein. Oui. Donc, on va aussi pouvoir partager l'aventure avec Marie, puisque cette année, ils ont joué le dimanche soir sur la grande scène. Ils clôturaient le festival. Le groupe Saudage, qui vient de l'île de la Réunion et qui nous propose un Maloya. Ça tombe bien, on est pile poil dans l'émission, puisqu'aujourd'hui, on vous parle de Maloya. Et Maloya, c'est une musique traditionnelle, une musique d'esclaves qui vient de l'île de la Réunion. Donc, voilà, on va vous passer une petite musique, et ensuite on enchaînera sur l'interview de Marie autour du Maloya, de Saoudage et du rêve de l'aborigène. Donc vous êtes toujours en direct de Radio Gemozo à l'émission Les Oreilles du Monde, présentée par Le Monde L'Utopie. Maintenant on va vous faire écouter Bahavani Dayani. Alors je ne sais pas si je prononce bien, Flo. Bahavani. Voilà, ok, d'accord. On a la petite traduction par Flo. C'est un chant indien interprété par Martin Dubois et Trita. Voilà, parfait. Qui était cette année au rêve, programmé le samedi. Et du coup, voilà, on vous laisse écouter Martin Dubois et Trita avec Bahavani. Ok, merci.

Vous êtes toujours en direct de l'émission Les Oreilles du Monde, proposée par Les Mondes d'Utopie sur Radio Guémozo. Donc, on va passer tout de suite à l'interview de Marie Lanfroy, chanteuse du groupe de Saodage. Et normalement, Marie est avec nous en direct. Marie, es-tu là ? Oui, je suis là. Comment vas-tu, Marie ? Bienvenue en direct sur Radio Guémozo. Ça va, merci. Salut, Marie. Merci beaucoup. Comment vas-tu ? Ça va bien, merci beaucoup. Heureuse d'être avec vous. Ouais, super. On est très heureux de t'avoir en direct avec nous dans notre émission. Donc, on va parler du rêve de l'aborigène, puisque vous avez joué cette année au rêve de l'aborigène. Et juste avant, j'ai fait une petite présentation du rêve, un petit retour, comment ça s'était passé, tout ça. Est-ce que tout s'était bien déroulé? Ensuite, on va parler de ton groupe, Saodage. Et ensuite, on terminera par la promotion de votre album. On va écouter quelques morceaux ensemble et on parlera de tout ça. Donc, tout d'abord, Saodage, vous venez de l'île de la Réunion. Vous vous décrivez comme un Maloya nomade. Qu'est-ce que tu peux nous dire par là en tant que Maloya nomade ? En fait, on se définit en tant que Maloya nomade parce qu'on s'inspire de la musique traditionnelle de la Réunion. On travaille avec tout l'effectif instrumental traditionnel, c'est-à-dire le rouleur, le kayam, le sati piqueur. On a aussi des instruments africains tels que le dindoum. On a aussi un didgeridoo qui est un instrument aborigène et donc qui n'est pas endémique de la Réunion. Donc on se qualifie comme musique nomade parce qu'on s'inspire aussi de plein d'autres musiques, on s'inspire aussi de la chanson française, on s'inspire de nombreuses musiques du monde. Donc voilà, on est dans la tradition et en même temps, on s'en émancipe. Voilà. D'accord, super, c'est intéressant. Un beau mélange, c'est éclectique, on aime beaucoup d'ailleurs Saodage. Et du coup, qu'est-ce qui vous a inspiré? Pourquoi la Réunion d'abord? Et quels sont les grands noms du Maloya qui vous ont donné goût à jouer ce style? Pourquoi la Réunion? Parce qu'on s'y est tous retrouvés, en fait, tout simplement. Moi, je suis née là-bas, je n'ai pas grandi, mais je suis revenue à 18 ans. Et puis, j'ai fait des rencontres telles que Anthony, Nathan, Faudé et Mélanie plus récemment. Le monde de la musique à La Réunion, c'est un petit monde, on se connaît à peu près tous, donc les choses se font assez facilement. Et puis par rapport à nos influences, c'est un peu pareil, il y a une accessibilité des artistes qui est assez magique à La Réunion. Donc des artistes comme Daniel Warraud, on a tous eu l'occasion de pouvoir discuter avec lui, de pouvoir comprendre sa philosophie, ses textes, sa manière de penser. Et donc le Maloya, c'est une vraie philosophie de vie, en fait. Donc ça nous a tous inspirés, peu importe nos univers musicaux, la source, elle est très forte, quoi. À la base, elle était très forte, donc c'est pour ça que c'est notre tarmac. Et puis après, on virevolte autour de ça, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, tu veux nous présenter un peu ton groupe, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous tournez en métropole? Eh bien, donc dans Saodage, on est 5. Donc il y a Anthony Ferry, Frédéric Cipriano, Jonathan Itema, Mélanie Bourrir et moi-même. Donc ça c'est la formation actuelle. Après on est en train de commencer à travailler avec un musicien multi-instrumentiste qui s'appelle Nicolas Bras, qui est d'ailleurs sur le disque, sur deux morceaux, tout simplement parce qu'il a un univers complètement frappé qui nous plaît et que maintenant grâce à Internet, on arrive à établir des contacts de manière beaucoup plus directe, beaucoup plus rapide. Donc le courant est passé, on commence à travailler avec lui. Donc Saodage sera à 6 parfois, prochainement, pas cette année, mais sûrement l'année prochaine. Sûrement fin d'année aussi, parce qu'on compte faire les Transmusicales de Rennes avec lui. Et puis sinon, bah là, on est en tournée depuis le mois de juillet. On a fait la France, on a fait la Hongrie, on a fait l'Italie. Là, on est en Italie d'ailleurs. Et puis voilà, le rêve de l'aborigène, hein, qui est aussi l'endroit que je porte à cœur depuis un petit moment, parce que c'est là aussi on a commencé le Saoudage en 2013. C'était notre plus grosse scène. Donc voilà, c'est plus du bonheur, c'est des belles rencontres humaines, musicales. On a beaucoup de chance de vivre ça, à 10 000 km de chez nous. Et oui, le rêve, quelle aventure. Quelle aventure, Arthur. C'est clair. Et alors, le rêve, qu'est-ce que ça fait de jouer sous les cèdres? Ben moi, c'est toujours... c'est quelque chose d'assez inexplicable, hein, parce que je... Au reste, c'est comme si les choses évoluent. On voit que les choses évoluent, mais en même temps, on a l'impression que tout reste pareil. D'être un peu figé dans le temps. C'était un moment magique. Le public est extraordinaire au rêve de l'aborigène, ça, il faut le dire. C'est vraiment un public très ouvert, très accueillant, qui te pousse à aller au-delà de tes limites. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Donc je suis très reconnaissante du rêve, voilà, de nous avoir accueillis cette année. Et puis j'espère d'ailleurs qu'on y reviendra. J'espère vraiment. Oui, moi je dis toujours, le rêve, c'est une grande famille et où le temps s'arrête. Exactement. Ça résume bien ce que tu viens de nous dire juste avant. Sinon, par rapport à la tournée, c'est pas trop fatigant, tous ces allers-retours en avion, à droite, à gauche, d'être loin de chez soi? D'être loin de chez soi, non, parce que ça, justement, ça nous rend encore plus heureux de rentrer après. Et puis on se dit qu'on a de la chance, on a vraiment de la chance, parce qu'on fait des rencontres assez exceptionnelles, on voit des pays qu'on n'aurait peut-être pas vu en temps normal. Donc voilà, on saisit cette chance-là. C'est beaucoup de fatigue, c'est beaucoup des fois de stress, parce qu'il faut... aller vite dans les balances, etc. Des fois, il y a la barrière de la langue, mais en même temps, c'est le challenge et c'est le chemin qu'on a choisi tous. Donc, on s'y met à fond et puis on prend ça vraiment comme un cadeau, quoi. La vie d'artiste, c'est ouais, beau. La vie d'artiste. Merci pour ton partage. Tu veux peut-être nous toucher un mot? Vous avez fait un premier EP et un deuxième qui vient juste de sortir. Ouais, tout à fait. Il est sorti au mois de juin, là, 2018. Donc, on l'emporte avec nous partout en tournée, là. Et notre premier EP était sorti en 2014. Donc là, ce second EP, c'est vraiment quelque chose de plus... On a plus mûrement réfléchi en termes d'écriture, en termes de musicalité. On a fait tout un livret photographique. En fait, on a tout fait par nous-mêmes, que ce soit de la photographie au graphisme, etc. Tout ça, ça fait partie de notre petite association qui s'appelle Cadadac. Donc, je suis très contente parce que c'est vraiment un travail d'équipe, des arrangements des morceaux, aux images, à tout l'univers qu'il y a autour. C'est vraiment un travail de groupe. Donc, je suis très contente qu'on ait réussi à faire ce projet avant l'été. Je vous souhaite de pouvoir l'écouter et de pouvoir voyager avec nous. Eh oui, Marie, grande artiste. On reconnaît d'ailleurs ta touche photo sur la pochette de l'album. C'est bien toi qui as fait les photos, non? Ouais, c'est moi qui ai fait les photos. C'était pas du tout prévu. Et puis finalement, je me suis... Ça fait longtemps que je voulais mêler mes photos, mes photographies à ma musique, mais je ne trouvais pas le point d'accroche. Et puis ben là, c'est arrivé. C'est arrivé un peu par hasard, mais c'est arrivé. Bon, et moi, j'ai eu la chance de découvrir hier ou avant-hier, quelque chose comme ça, la programmation de l'automne. Mmh. Et j'ai découvert que vous alliez passer au Nancy Jazz Pulsation. Les gens connaissent très bien ici le Nancy Jazz Pulsation, un gros festival qui a lieu depuis 40 ans, quelque chose comme ça, il me semble, à Nancy, et qui a lieu dans le parc de la Pépinière. Cette année, vous êtes programmé là-bas. Du coup, c'est pas jazz, mais saoudage. Mais comment ça se fait que vous êtes programmé là-haut? T'as un peu une idée? Alors là, non, j'ai pas forcément d'idée. Je pense que c'est peut-être... Des fois, c'est par année, il y a des choses qui, je sais pas, qui parlent plus aux programmateurs que d'autres, je ne sais pas vraiment, mais en même temps, je suis très contente de pouvoir aussi toucher, que notre musique puisse aussi toucher des festivals qui ne sont pas uniquement World Music. Voilà, ça permet de rencontrer d'autres publics, ça permet de s'expérimenter sur d'autres scènes, sur d'autres, dans d'autres atmosphères, donc... Moi, je suis contente de ça, j'espère que ça va continuer et qu'on va, on va réussir à s'ouvrir à de plus en plus d'univers. Oui, il y a une scène SACEM, alors vu que vous étiez coup de cœur de la SACEM, peut-être que vous êtes promotionné par la SACEM pour passer au Nancy Jazz Pulsation. En tout cas, on découvrira en octobre Saodage au Nancy Jazz Pulsation. On va passer trois morceaux de votre nouvel album. Enfin, de votre nouvel EP. Pourquoi d'ailleurs vous n'avez pas fait un album et que vous avez fait juste un EP? Eh bien, parce qu'on a, on avait peu de temps, parce qu'un album ça demande beaucoup de financement aussi, et que voilà, en fait cet EP-là on l'a fait en une semaine. En une semaine, on l'a fait avec un super ami à nous qui s'appelle Brice Leroy, qui est un super ingé son, voilà, qui a une couleur, dans sa manière d'enregistrer, dans sa manière de mixer, dans sa manière de traiter le son, qui est génial. Mais donc, ben voilà, le studio, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, etc. Mais on compte bien faire un album, sûrement l'an prochain. On trouve l'idée aussi de l'EP sympa, en fait, parce que c'est comme une carte de visite, c'est comme un ADN du groupe actuellement. Donc je pense que c'était bien de le faire. Et puis prochainement on passera à l'album, hein, bien sûr. Ouais, ah, ça c'est une belle nouvelle. Bon, en tout cas, on va écouter quelques morceaux. T'as quelque chose à nous dire? On va écouter Pas encore l'heure, Mimose et Somme à l'amour. Eh bien, je vous remercie de m'avoir accueilli dans votre émission. Et puis bonne écoute, et puis belle journée, et à très bientôt sur scène ou ailleurs. Merci, ben merci en tout Marie. Cas, merci d'être venu déjà dans les Vosges il y a 3-4 ans, et on espère vous revoir dans les années à venir. Dans les mois à venir, disons quand même. Hein. Avec plaisir, avec plaisir. Et bien, passe une bonne fin de journée, Marie, au plaisir de bonne journée, merci de nous avoir accepté l'interview. À bientôt. À bientôt, les amis. À bientôt. Salut. Et donc maintenant, on va écouter la première chanson du nouvel EP, donc Pocorlea. Et voilà, donc pour Pocorlea, le nouveau la première musique de l'EP, on va passer ensuite à Mimos. C'était Mimos de l'EP Pas encore l'heure de Saudage. Ensuite, on va vous passer Semain l'amour. Viens, C'était Saoudage en direct sur la radio Gemozo. Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes toujours en direct de l'émission Les Oreilles du Monde sur Radio Gemozo, proposée par Les Mondes de l'Utopie. Donc on va retrouver Camille tout de suite, qui va nous présenter le Maloya. Qu'est-ce que c'est ? Alors oui, donc dans cette émission spéciale donc Maloya, moi je vais vous expliquer un petit peu d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, comment, tout ça, tout ça. Donc le Maloya, en fait, donc on l'a compris, on l'avait déjà dit, c'est une musique qui nous vient de La Réunion. Et donc La Réunion, comme son nom l'indique, il y a beaucoup d'influences, beaucoup de populations qui ont migré contre leur gré à cet endroit, d'autres de plein gré. Mais donc Maloya, en fait, ça vient des pays donc, d'Afrique de l'Est. Donc en fonction des pays, il y a plusieurs significations différentes. Donc au Mozambique, ça voulait dire la sorcellerie, les incantations. Dans un autre pays, ça voulait dire la honte aussi. Pour certains, ça voulait dire parler, dire ce qu'on a à dire. Et dans certains dialectes, a priori, ça voudrait dire aussi la peine, la douleur, le mal-être. Donc toutes ces définitions-là, ça coïncide bien avec le fait, l'histoire de ce genre musical, qui est d'ailleurs aussi une danse et une manière de chanter. Donc pour l'histoire, c'est l'héritage des ancêtres esclaves, donc du Mozambique, des Malgaches, les Africains. Ça a été chanté aussi par les Malbars, qui eux nous viennent d'Inde. Donc c'était une musique qui est à la fois sacrée et en même temps profane. Comme c'était une musique chantée par les esclaves après la journée de travail, c'était un peu aussi pour eux une manière d'exister, de résister, se moquer un peu des maîtres comme ça. Et de se libérer. C'est ça. Et aussi, c'était hommage aux anciens. Donc cette musique, elle a beaucoup été marginalisée pendant la période coloniale, donc jusqu'en 1946 environ. Donc elle était dénigrée et après elle a même été interdite à l'espace public des années 60 à 70, puisqu'elle était considérée en fait comme subversive par rapport au pouvoir en place, parce que c'était aussi chanté à cette époque par le Parti communiste de La Réunion et par le Front de jeunesse autonomiste de La Réunion. Donc le pouvoir en place évidemment avait peur de l'idée d'indépendance. Donc c'était interdit, c'était joué de manière clandestine et il y avait beaucoup de répression à cette époque. Jusqu'au premier vinyle de la troupe Firmin Viry qu'on écoutera tout à l'heure, en premier de notre sélection Maloya. Donc ce style de musique, c'était le fer de lance des soirées cabars. Donc les soirées cabars, c'est un peu les fêtes qui regroupent un petit peu toutes les communautés, ces manières de se réunir en famille, entre amis, pour fêter la vie, les ancêtres. Il y a tout un tas de rituels autour. Et aussi, c'est aussi pour célébrer la fête de l'abolition de l'esclavage, qui date du 20 décembre 1848 pour La Réunion, sachant qu'en France, ça avait déjà été aboli un peu avant, le 27 avril. Et donc, tous les ans, à la fête de l'abolition de l'esclavage, tous les artistes de La Réunion se rassemblent pour fêter ça. Et donc le Maloya, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi une danse qui est quand même très physique, faut le dire. Parce que danser tout un cabar, toute une soirée, le Maloya, ça fait les jambes. Et donc, c'est une danse. À l'heure actuelle, il y a toujours du Maloya traditionnel et il y a aussi du Maloya plus moderne avec Saoudage, par exemple, qu'on vient d'écouter, qui est du coup un petit mélange de Maloya et en même temps d'autres influences, quoi. Et ce qu'on peut dire aussi par rapport à ça, c'est que depuis le 1er octobre 2009, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, le Maloya a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Donc il était déjà au patrimoine culturel immatériel de France et maintenant à l'humanité. Donc c'est un geste assez fort parce que finalement, c'était une musique qui a été beaucoup réprimée parce que c'était les esclaves et parce que c'était... une musique qui faisait un peu peur comme ça. Et là, maintenant, que ce soit au patrimoine de l'humanité, c'est quand même beau. Donc voilà pour la petite histoire. On va pas trop s'attarder. Et puis, le Maloya aussi, c'est des instruments traditionnels. Donc comme instrument traditionnel, on a le kayambe. Donc le kayambe, en fait, ça fait un tchik-tchik-tchik-tchik-tchik-tchik, à peu près. En fait, il est fabriqué. Donc si vous voulez, c'est un rectangle en roseau ou en canne à sucre, Et à l'intérieur, donc, on a des graines de conflore ou alors des graines de cascavel, d'autres petites graines comme ça qui permettent de faire une espèce de maracas, si on veut. Donc ça, c'est musique traditionnelle, instrument traditionnel de la Réunion. Ensuite, on a aussi le bobre. Donc le bobre, c'est très très similaire, voire on pourrait presque imaginer que c'est pareil que le berimbau qui nous vient du Brésil, l'instrument de la capoeira. Alors le bobre, donc c'est comme un arc avec le fil tendu, c'est un fil en métal. Alors je ne sais pas exactement quel métal c'est. Il me semble que c'est du cuivre. Ouais, j'aurais dit ça, mais je n'étais pas sûre. Et donc là-dessus, en fait, il y a une calebasse, qui est une courge séchée, coupée, creusée, qui vient faire caisse de résonance, en fait. Et ensuite, on joue à l'aide d'un morceau de bois, ou en goyavier, ou des bois assez durs, de manière générale. Et donc, voilà, c'est un petit instrument à cordes. Donc ça fait partie des instruments traditionnels aussi. Après, on a le roulière. Alors, le roulière, c'est une percussion. Donc, c'était fait dans les tonneaux. Donc, les tonneaux de rhum, les tonneaux de vin, ils récupéraient ça. Et puis, ils tendaient une peau de bœuf dessus. Donc, ça fait vraiment une percu très, très grave. Hein. C'est vraiment basse. Ensuite, on a le piquer. Le piquer, donc, c'est une toute petite percu aussi. On peut considérer ça comme une percu. Donc, c'est un tube de bambou sur lequel on tape avec des petits bâtons. Et on a un autre dérivé de cet instrument, sauf que c'est un tube en métal, qui lui s'appelle le sati. Petite rectification, le sati, c'est une complémentarité du piqueur. Du piqueur ? Oui, tu le mets en plus sur le piqueur ? Le morceau de le piqueur, c'est un morceau de bambou, et juste devant, il y a deux plaques en alu l'une sur l'autre, sur lesquelles on tape, on fait la sonorité, et du coup, c'est un mélange entre les deux. Sati, piqueur. Oui, c'est en alu, c'est en ferraille, quoi. C'est deux plaques en ferraille l'une sur l'autre. Voilà, donc on a le piqueur amélioré, voilà, qui sont donc les instruments typiques. Donc, voilà. Ensuite, de quoi on peut parler sur le Maloya encore ? Des artistes, peut-être. Donc, là, on vous a préparé une petite sélection des artistes qui sont assez connus quand même. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un des premiers, du moins, à être connu pour le Maloya à La Réunion, c'est Firmin Viry, la troupe de Firmin Viry. Après, on a le Roi Caf, on a Gramoun Lélé, Gramoun Bébé. Alors, Gramoun, c'est les grands-pères. Et donc, les noms des groupes, à l'époque, ils utilisaient pas mal de... Enfin, ils faisaient référence, en fait, à des histoires de personnages. Par exemple, Simanga Vol, le nom, en fait, ça vient de la première femme esclave qui s'était réfugiée dans la montagne et qui fuyait l'esclavage. Donc, ce nom-là, il était choisi pour ça. Donc on a aussi d'autres artistes comme Oussanou Sava, l'Indigo, qui sont des artistes un peu plus récents. Hein. Et donc aussi on a du Maloya qui est un petit peu modernisé, disons, comme Graine Sémé, Saoudage qu'on vient d'écouter. Il y a un autre groupe, ils sont de l'île Maurice aussi, des amis à Saoudage, mais je ne me souviens plus du nom. Maya Kamati aussi, enfin voilà, je dois... Très certainement en oublier, mais donc voilà, c'est grosso modo les artistes qu'on peut retrouver en Maloya. Et donc là, nous, on a préparé une petite playlist où du coup, on va pouvoir écouter Firmin Viry, on va pouvoir écouter Alan Peters, qui a aussi été très connu à La Réunion pour le Maloya. On va écouter Daniel Waro, qui lui, là maintenant, c'est, je pense, une renommée internationale à l'heure qu'il est. on va écouter aussi... qu'est-ce que j'ai mis dans la playlist ? Christine Salem. Christine Salem, oui. Et puis, quelqu'un d'autre aussi, j'avais mis... Flo et moi. je ne vois pas Camille, désolé. Ah d'accord, je les ai déjà peut-être tous dit. Oui, Alan Gramoun Peters Lélé. Peut-être, ou Gramoun Lélé, ou Firmin Viry. Ok, voilà, je les avais déjà dit. On les mélange tous. En tout cas, si vous allez un jour à La Réunion, ça vaut vraiment le coup de découvrir le Maloya et toute la culture, les richesses qu'il y a sur l'île. C'est un mélange de cultures qui s'entendent très bien entre eux. Et par rapport au Maloya, en fait, le Maloya, c'est joué dans les cabars. Les cabars, C'est ce qu'on appelle ici chez nous le cabaret. Sauf que là-bas, les cabars, c'est en extérieur. Les gens se rejoignent dans un parc, font un bon carré. Chez les gens, il n'y a pas vraiment de règles. Voilà, c'est ça. Cabaret, donc c'est tout le monde mange ensemble, tout le monde est le bienvenu. Et il y a cinq musiciens qui se mettent aux instruments traditionnels. Ça va très bien comme ça. Et autour de ces musiciens, c'est toujours un relais qui se fait tout au long de la nuit. Le cabar, normalement, c'est vraiment quand c'est vraiment traditionnel, c'est sans alcool, sans cigarette, sans rien du tout, et tout le monde vient et joue toute la nuit, chacun leur tour sur les instruments et aussi au chant. Donc voilà, aller découvrir un bon cabar à La Réunion, c'est toujours sympa. C'est vrai que oui, le cabar, c'est assez, comment je pourrais dire, on peut c'est voir vraiment la mixité de La Réunion, parce que c'est vrai qu'il y a des gens de tous les horizons là-bas, hein, entre les anciens esclaves qui sont arrivés contre leur gré, mais voilà. Donc il y a pas mal d'Africains, il y a pas mal d'Indiens aussi, puisqu'à une époque, La Réunion, c'était un transit pour la route des Indes. Donc, pour la Compagnie des Indes, donc il y a beaucoup d'Indiens, il y a beaucoup de Chinois aussi qui avaient fui le régime et qui sont arrivés à La Réunion à un moment donné. Beaucoup de Bretons aussi, hein, puisque les Bretons sont partout. Et donc, voilà, il y a quand même vraiment une mixité culturelle. Et c'est beau parce que tout le monde arrive à vivre ensemble. Voilà, c'est vraiment un esprit de tolérance et de respect qui est quand même chouette à voir à La Réunion. Voilà. Super, merci Camille en tout cas de nous avoir présenté le Maloya. Avec plaisir. On va passer tout de suite une musique de Firmin Viry qui s'appelle Café Grillé, qui est une musique traditionnelle de Lille. Café grillé, café grillé, café grillé, passion. Vous êtes en direct sur Radio Gamozo, du coup on vient d'écouter un morceau de Firmin Viry qui s'appelait Café Grillé, et du coup on va enchaîner tout de suite sur un morceau d'Alain Peters. Alain Peters, c'est un artiste qui n'était pas connu à La Réunion quand il était encore vivant, et il a eu une sale histoire avec l'alcool, avec sa famille, et il est mort dans la rue. Et maintenant, c'est devenu quelqu'un de très célèbre et très respecté à La Réunion. Du coup, il y a même sa fille maintenant, Ananda Devi, qui a créé un groupe qui s'appelle Tapkal. Tapkal, c'est un mélange entre tous les enfants des grands de la musique maloya. Et c'est vraiment intéressant à découvrir. Du coup, n'hésitez pas à aller voir Tapkal sur YouTube à découvrir. C'est vraiment sympa. On enchaîne tout de suite avec Alain Peters, Plim la misère. Une musique d'Alain Peters qui nous parle de la misère qui se passe sur l'île, la misère qui se passe ailleurs, la misère qui lui reste coincée dans son gosier. Donc voilà, Alain Peters, Plim la misère, vous pouvez retrouver, on vous mettra tout à l'heure en direct sur le site les différents morceaux qu'on a passés. On va enchaîner tout de suite avec un morceau de Gramoun Lélé. Gramoun Lélé, c'est le grand-père Lélé, avec un morceau qui s'appelle Namouniman. Kitawene Ajulu kitawene Tawana milambo morere Maman dinoza dinoza dinoza Maman dinoza morere Maman dinoza dinoza dinoza Ajulu tawane, tawala milambo malere Maman dinoza, dinoza, dinoza Maman dinoza malere Maman dinosa, dinosa, dinosa. Ajuluk tawende. Tawana milambo mareare. Maman dinosa, dinosa, dinosa. Maman dinosa mareare. Maman dinosa, dinosa, dinosa. Ajulu tawane, tawana milambo mareare. Maman dinosa, dinosa, dinosa. Maman dinosa mareare. Maman dinosa, dinosa, dinosa. Hey, namu mama bel papa, hey, namu mama mutua kade, hey, namu. Vous êtes en direct de Radio Gemozo dans l'émission Les Oreilles du Monde. C'était Gramoun Lélé. Gramoun Lélé, bah j'espère que ça vous fait danser dans votre voiture, sur votre siège ou dans votre salon, parce que quand même le Maloya ça bouge et ça prend au corps et ça donne envie de danser. On va tout de suite enchaîner par un morceau de Christine Salem, L'Histoire. C'est un morceau qui raconte un peu son histoire, comment elle est arrivée dans le Maloya, donc c'est pas facile à comprendre, c'est du créole. Et c'est aussi Christine Salem, quelqu'un qui s'est mis à chanter, chanter, chanter quand elle était jeune, et un jour elle s'est mis à chanter dans un dialogue qu'elle connaissait pas avec personne connaissait. Et du coup, elle a créé des morceaux autour de ça. Et c'est un Maloya que je vous fais découvrir tout de suite avec le morceau L'Histoire. Coup de fée dans le quai, la haine dans mon fond de quai. Boule à paix, le quai rempli, puis capable de causer, crier, bouser, le col alargué, la tête rend sommeil pour saper un fédéral. Le quai a sa bouquet d'un tout ossement, baisement et graine comme ça plie. Rode pour saper si bateau, fin la glocode dans l'eau, à force, la paix est donnée, sans pile à douleur. Rasse le corps, rasse l'esprit. Ça n'a pas de monde, ça. Ça le chien. Mais il sort pas dans le train. Mazine, puis la nuit, rôde sommeil pour saper. Foutor, fais le cadeau. Le corps est cadavre vivant, la tête en perdition. Ça est vie, foutor. Calcule ça un sort. Qui cadeau, ça. Ni lave pas le corps, ni rôde nous dit où ça lui dort. Qui s'aboue bloqué à la tête. On est guère en pipé. Malo, malo, malo, malo, ya. Malo, malo, malo, malo, ya. Malo, malo, malo, malo, ya. Malo, malo, malo, malo, ya. Malo, malo, malo, malo, ya. Malo, malo, malo, malo, ya. Malo. Après nous sommes comme ça, il a répondu à moi, baba, là où dans cette là-bas. Moi, la monde, mon baïa, après nous sommes comme ça, il a répondu à moi, baba, là où dans cette là-bas. Malo, malo, malo, malo, ya. Malo, malo, malo, malo, ya. Malo, malo, malo, malo, ya. Tu rôdes fait son maléa, cause à l'arrivée Zordi, tu rôdes son bonnet. Ça depuis longtemps, mon noir, tu rôdes son maléa, cause à l'arrivée Zordi, tu rôdes son bonnet. Malo, malo, malo, malo, ya. Malo, malo, malo, malo, ya. Malo, malo, malo, malo, ya. Malo, malo, malo, malo, ya. Malo, malo. Malo, malo, ya. Malo, malo, malo, malo, ya. Malo, malo, malo, malo, ya. Malo, malo, malo, malo, ya. Zordi nous de malo, ya, mon noir, pour se battre pour son histoire. Ou un musique noir qui mon noir, là pour donner des droits au pouvoir. Zordi nous de malo, ya, mon noir, pour se battre pour son histoire. Ou un musique noir qui mon noir, là pour donner des droits au pouvoir. Malo, malo, malo, malo, ya. Malo, malo, malo, malo, ya. Malo, malo, malo, malo, ya. Malo, malo, malo, malo, ya. Malo, malo, malo, malo, ya. Malo, malo, malo, malo, ya. Malo, malo, malo, malo, ya. Malo, malo, malo, malo, ya. Même pour gagner en baba, ça qui disent t'es maloya. Arrête ma bouche, gaïa maloya, c'est musique cabaret l'esprit. Même pour ça qui disent baba, ça qui disent t'es maloya. Arrête ma bouche, gaïa maloya, c'est musique cabaret l'esprit. Malo, malo, malo, maloya. Malo, malo, malo, maloya. Malo, malo, malo, maloya. Malo, malo, malo, maloya. Aujourd'hui, les enfants, nous allons étudier l'histoire de nos ancêtres les Gaulois. Cosa, mon mon la pas dire ma salie, il a dire mon bon natif bon esclave. Hein? Qui ça le monte? Hein? Se foutre voler. Vous êtes toujours en direct de Radio Gamozo dans l'émission Les Oreilles du Monde proposée par les Mondes l'Utopie. Voilà, on vient d'écouter ensemble Christine Salem avec un morceau qui s'appelle L'Histoire, l'histoire de la Réunion, l'histoire du Maloya. Donc on va finir notre émission autour du Maloya pour aujourd'hui avec un dernier morceau d'un grand homme, Daniel Waro, avec un titre qui s'appelle Kansa. Et Daniel Waro, vous pouvez le découvrir en tournée partout, c'est un petit papy de 70 ans et qui a la niaque et qui s'arrête pas et qui danse et qui danse et qui danse et qui peut danser toute la nuit. Si vous allez lever l'occasion de le voir, vous allez voir, il est monté sur ressort. Et je vous fais tout de suite découvrir un morceau de Daniel Waro qui s'appelle Kansa. Quand ça mal bal allait dans moi, puis sorcier, puis paille à ravenin, poigny tambi à paille à nain, tambi à paille. Quand ça, ça cafle allait dans moi, puis salon la soie, puis moins qu'un chien. Polyanie mounezima, Polyanie mounezima. Volcan la liosi gardien, si t'es un volcan la liosi gardien. Quand ça chinois l'allait dans moi, puis en sintoc, puis en poutan Pékin, pour remplir en monté mon divin, pour remplir en monté mon divin. Quand ça arabe allait dans moi, puis en l'odeur les neuf magasins, païen que tolérance en voisin, païen que tolérance en voisin. Donne beau bon gars, mon cœur donne coin. Quand ça, ça blanc l'allait dans moi, puis on s'aboucle madame des bassins, pour l'anisis, pas plus, pas moins, pour l'anisis, pas plus, pas moins. Quand sa oreille allait dans moi, qui en maïcal râle dans le train, dans son tramail la langue pouclin, dans son tramail la langue pouclin. Ni saisi mon vie mon vierin, Polia ni saisi mon vie mon vierin. Quand ça toute bata comme à moi, puis en boubou, puis en autant vilain, poto boutan clé à tes chemins, poto boutan clé à tes chemins. Ni Henri, c'est sans grain, pour un carré, pour le cœur sans fin. Pour un carré, pour le cœur sans fin. Quand ça mani, oui, rayonne, mani, comment de mounoté. Quand ça mani, oui, rayonne, mani, comment de mounoté. L'encre de l'eau poli coulée, pour qu'elle est aura piesté. L'encre de l'eau poli coulée, pour qu'elle est aura piesté. L'encre de l'eau poli coulée. Encore de l'eau polie coulée, qu'elle est aura piesté. Quand ça mani oui rayonne, mani commande mon noté. Quand ça mani oui rayonne, mani commande mon noté. Encore de l'eau polie coulée, qu'elle est aura piesté. Encore de l'eau polie coulée, qu'elle est aura piesté. Encore de l'eau polie coulée, qu'elle est aura piesté. Encore de l'eau polie coulée, qu'elle est aura piesté. Encore de l'eau polie coulée. Encore de l'eau polie coulée, qu'elle est aura piesté. Encore de l'eau polie coulée, qu'elle est aura piesté. Encore de l'eau polie coulée, qu'elle est aura piesté. Moi la haute mon causé, la père bon Dieu s'appelle. Y'a mon pas mon frisé pour qu'à manger pas d'elle. Moi la haute mon causé, la père bon Dieu s'appelle. Y'a mon pas mon frisé pour qu'à manger pas d'elle. Encore de l'eau polie coulée. Encore de l'eau polie coulée, qu'elle est aura piesté. Encore de l'eau polie coulée, qu'elle est aura piesté. Encore de l'eau polie coulée, qu'elle est aura piesté. Moi mon nation oui rayonne, ça même mon communauté. Moi mon nation oui rayonne, ça même mon communauté. Mon colis gagne pas roulé, mon coco la boule carrée. Mon colis gagne pas roulé, mon coco la boule carrée. Mon colis gagne pas roulé, mon coco la boule carrée. Mon colis gagne pas roulé, mon coco la boule carrée. C'était Daniel Waro en direct sur Radio Gemozo dans l'émission Les Oreilles du Monde. Bon ben on va, l'émission approche à sa fin, il nous reste une petite dizaine de minutes et on va vous parler de l'avancement de l'association Les Mondes d'Utopie à Rochesson. Donc Camille, est-ce que tu as envie de dire un petit mot et pour dire où on en est, qu'est-ce qu'on va faire les prochains temps? Oui, je peux tout à fait. Donc là pour l'instant Les Mondes d'Utopie, donc là on va se concentrer donc sur un événement qui aura lieu le 20 octobre à la salle des fêtes de Rochesson. Donc ce sera une soirée concert, il y aura des ateliers l'après-midi. Donc le programme des ateliers reste à définir clairement, parce que du coup je ne vais pas vous dire de bêtises. Et donc, on a déjà un groupe qui sera là, qui s'appelle Lawage, dont Flo pourra plus vous en parler que moi, puisque c'est lui qui s'occupe de faire la programmation de l'asso. Et donc, voilà, on était parti sur une journée. Donc, voilà, on n'a pas encore défini si ça commençait fin de matinée, début d'après-midi, tout ça. Et il nous reste encore à nous organiser là-dessus. Mais donc, on avance sur cet événement-là du 20 octobre. Super. Vous voulez que je vous parle de Lawage ? Eh bien, Lawage, c'est un groupe que j'avais découvert via YouTube il y a un an quand ils ont commencé à percer. En fait, c'est composé de Laurie et Joe. Joe, c'est un instrumentiste multi-instrumentiste qui fait de la flûte traversière, du didgeridoo et du beatbox. J'ai eu l'occasion, je le connais plutôt bien puisqu'il a joué dans pas mal de groupes les années passées, que j'ai découvert au Rêve de l'Aborigène et ailleurs, dans d'autres Joma, enfin voilà. Du coup, Joe, il est accompagné de Laurie dans Lawage, et Laurie, elle est au hang et au didgeridoo. Donc c'est une belle complémentarité, un homme, une femme. On n'a pas l'occasion de découvrir ce genre de mélange dans cette musique. Du coup, c'est vraiment chouette de pouvoir les faire venir. Et ils sont à Bienne, en Suisse. Enfin, ils tournent entre la Suisse et l'Ardèche. Donc, ils vont nous, pour notre plus grand plaisir et pour nos oreilles, ils vont venir jouer le 20 octobre. Donc voilà, Lawage à découvrir à Rochesson le 20 octobre avec un autre groupe. Suspense, quel est l'autre groupe qui va jouer ? Eh ben, on vous en parlera le mois prochain dans l'émission de septembre. Sinon, les actualités de l'association, on est content, on a reçu le matos pour faire de la sérigraphie. Ah oui, donc on va pouvoir, dès les prochains événements, faire de la sérigraphie sur vêtements. Donc on aura préparé en avance une paire de vêtements qu'on va récupérer en friperie, qu'on vous vendra le vêtement déjà imprimé. Sinon, vous pouvez venir directement avec le vêtement de votre choix. Et on vous fera l'impression sur place en direct. Alors du coup, pour l'instant, on a déjà le premier pochoir donc, qui est le logo de l'asso. Donc on va partir sur cette base-là. Et dans l'idée, c'est créer de nouveaux pochoirs puisque tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir le logo de l'asso sur son t-shirt. Oh, mais il est quand même beau notre logo avec des très petites d'ailleurs, montagnes qui représentent les Vosges, la plume, la légèreté. Martin, n'est-ce pas ? Oui, c'est Martin qui a fait Paillot. L'illustration. Et donc voilà, pour l'idée aussi, c'est d'avoir plusieurs pochoirs à proposer sans forcément qu'il y ait de pub pour quoi ou qu'est-ce. Et donc voilà, ça sera à travailler dans les temps à venir. Oui, plutôt de l'illustration d'ailleurs, voilà. S'il y a des illustrateurs qui se sentent investis et qui ont l'envie de nous partager leurs dessins, n'hésitez pas à nous contacter. On a une page Facebook qui s'appelle Les Mondes de l'Utopie, où vous trouvez les infos de l'association ainsi que les podcast de la radio et tout ça. D'ailleurs, tout ça, petite parenthèse, on va remettre à jour donc sur la radio Gemozo donc l'émission qui vient de se dérouler et les précédentes qui y sont déjà. Et on nous a fait la remarque que ça serait bien d'avoir les références des musiques qu'on a passées précédemment. Donc on va se mettre à jour aujourd'hui et puis comme ça vous pourrez retrouver les musiques qu'on a passées sur le site internet Radio Gemozo et aussi sur le lien Facebook. Voilà. Bon, je crois qu'on est au top pour aujourd'hui, que l'émission va s'arrêter là. Donc voilà, c'était une émission consacrée à un petit retour au rêve du rêve de l'aborigène, un partage d'un style musical, le Maloya, qui nous vient de l'île de la Réunion principalement. Et ensuite, on vous a parlé de l'association. Et ça s'achève là pour aujourd'hui. On est content. Merci à vous de nous avoir écoutés. On peut être content de nous aussi parce que c'est la première fois qu'on est tout seul à la technique. Donc, c'est pas forcément évident, mais on commence à prendre un peu nos repères. Donc, voilà. Voilà, merci à vous. Et on retrouve tout de suite l'antenne de Radio Gemozo, les playlists de la journée. Nous, ça s'achève là. Merci à vous. Et au mois prochain, un jeudi matin de 10h à 11h30 sur Radio Gemozo, Les Oreilles du Monde, présentées par Les Mondes de l'Utopie. Merci à vous et passez une bonne journée. Au revoir tout le monde. Au revoir.